Plutôt que d'écrire des bouquins, on pourrait ouvrir une agence de rencontres sexuelles. Tiens, voilà mon titre. Rencontres sexuelles. Tear at your sheet, I'd say please. écrivain, votre homme ? Exactement, un homme de lettres. Je peux lire ? C'est bien. C'est drôlement bien écrit, mais qu'est-ce que c'est cochon ? Où est-ce qu'il va trouver des trucs pareils ? Quand même, quelle imagination ! Bah, qu'est-ce que j'ai dit drôle ? To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand. Ha ha ha.